Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Jasmine Raymond de Réville nous parle de pléonasme redondant, répétitif et toujours pareil. Et Myriam Fugère nous parle de sa chronique aléatoire. Oh, c'est assemblage requis, ça commence n'importe quand. Finalement, c'est ça que ça veut dire aléatoire. Hein? Ouais. Bonjour et bienvenue à une autre édition d'Assemblage requis en ce mercredi 30 novembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Et on est en direct des studios de Tifo à Trois-Rivières. Salut François. Salut Mathieu. Ça va bien? Ça va toi? Oui, j'aime beaucoup ta petite cassette mixtape là, que tu m'as faite là, sur ton beau petit tape deck Ghetto Blaster. Je me sentais tout touché. Hey, c'est long à faire, hein? Ouais, hein, ah, ça doit c'est être. Long à faire. Je sais pourquoi on a changé de technologie, ouais. Hein? Non, quand même, t'as réussi à te faire quelque chose de bien. Il y a peut-être 10-15 secondes de silence entre chaque pièce, c'est temps que tu changes de CD, j'imagine, mais... Non, pas ce pire, non. J'ai fait ça. Tu fais pause, puis okay. Tu fais pause, change de CD. Et tu fais des pauses et tu fais des pauses. Est-ce que tu vas faire beaucoup de mixtapes comme ça? Ou... Ah, je vais essayer. Okay. Mais Denis m'a shooté. Janvier. Ouais, Denis Janvier m'a shooté la discographie de Skrillex. Oui, c'est vrai. Et puis, je pense que ça pourrait rentrer sur une cassette de 90 minutes. Oh, Conan, des gars. Et puis, j'ai entendu ça au dîner de coach, justement. Lundi au jeudi, 11h à 13h. Tout à fait, bonne plug. Et puis, j'aime ça. Oui. Je suis pas quelqu'un qui est attiré vraiment par l'électronique, mais ça ramasse. Ça, c'est intense. Oh, ouais, vraiment. Moi aussi, je l'ai la discographie et on pourrait en jouer. Hein. Ça fait comme une semaine ou deux qu'on l'a, cette discographie-là, ici, assez fou. Et puis, on la fait pas jouer encore. On n'a pas pensé à le faire. Mais donc, aujourd'hui, c'est la journée. Pourquoi est-ce que c'est la journée? Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus de temps que prévu. Hein, on avait une émission, comme d'habitude, du mercredi, très très chargée. Mais aujourd'hui, Yann Martel n'est pas là en fin d'émission. Non, Yann Martel n'est pas là ce matin. Donc, on va pouvoir mettre un petit peu plus de musique. Avant ça, à 8h, on a Myriam Fugère avec sa chronique aléatoire. On sait pas de quoi elle nous parle. Elle nous réserve toujours des surprises. Elle, qui est comme un genre de bout en train ou un... tu sais, le petit Jack in a Box, là? Jack in a Box. C'est quoi, là? Non, c'est quoi la chanson, déjà? Je sais pas, là. Ça, c'est Myriam Fugère. OK, formidable. Avant ça, en tout début d'émission, à 7h30, là, tantôt, on va recevoir Jasmine Raymond-Dréville dans sa nouvelle case horaire et sa chronique linguistique. Aujourd'hui, pléonasme redondant. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça des pléonasmes, hein, parce que juste pléonasme, c'est pas assez redondant, je trouve. En fait, on peut se mêler avec les différentes figures de style. Figures de style, oui, tout à fait. Complément d'objet direct et subjectif passé. Hein? Subjectif passé. Ça, mettons, là. Ça va bien ce matin. Ça va très bien, très très bien. Donc, je peux me tromper, mais d'après moi, la chronique à Myriam va être excellente. Et okay. Celle à Jasmine va laisser un peu sur notre appétit. Tu montres un petit peu ton parti pris, là, hein? Ben, en même temps, vous avez formé des équipes la semaine passée. Oui, et je suis contre toi. Ouais, et puis... Avec Jasmine. Et je suis ravi d'avoir dans mon équipe Myriam Fugère. J'aime mon équipe de gagne. On est là pour vous faire mal. Et voilà. Faites attention. Ben. Arrive de bonne heure, Myriam, s'il te plaît. Hein? On a besoin de toi. Exact. On va commencer l'émission avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. Je sais pas si tu as déjà entendu un petit peu de Benoît Rochelot dans ta vie. Benoît Rochelot, ben en fait, j'essayais d'éviter le plus possible. Hey, wow, parle pas de même contre nos artistes. Non. Mise en demeure. Benoît Rochelot, voici la pièce Vieille Temps tout de suite au 89.1 FM. C'est fou. C'est dans vos oreilles. Ben oui. Jusqu'à 9h. Hein? Minimum. mon sac, on s'en va au parc. J'ai la couverte, puis mon carnet. Prends une bouteille, puis une pomme chaque. Viens-t'en, on s'en va au parc. Dis-moi pas que ça te tente pas, que tu files veg sur ton sofa. Si tu viens pas, moi je débarrasse. Tu viendras me rejoindre au parc. Spender! Delaware Chuck! Oui, Delaware Chuck à Assemblage Rocky. 7h11 minutes dans les studios de C'est Fou. Et puis, nous, on a du petit plaisir comme ça. On parle de ta Corsica puis de ton tape deck, là, comme tantôt. On était sur cette conversation-là. On n'avait pas du tout changé de sujet sur d'autres choses de plus plates. Non. Pas comme la peine d'être 10 en monde, mettons. Non, comme... non. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on met des chroniques à chaque fois qu'on revient d'habitude, tu sais. Oh ouais. Pour avoir quelque chose à dire à la place de juste rien dire. Hey, mais Mathieu, hein? Écoute, j'ai quelque chose à dire. Wow! Souffle-moi ça à l'oreille, s'il te plaît. Ouais, je vais te chuchoter ça. Oui. Non, mais c'est la dernière journée où on porte fièrement nos moustaches. Tu portes ça fièrement, toi? À la limite, t'as comme pas le choix. Là. Non, ça, ben moi, je fais juste la portée. Moi. Ouais, mais tu faut quand même que tu sois fier du poil qui te pousse en face. C'est vrai, parce que quand même, t'as un certain talent. Là. C'est quoi? C'est à l'intérieur de ton corps, il y a quelque chose qui fait que tu peux avoir de la moustache. Il y en a qui peuvent pas en avoir, ça. Non, c'est ça, exact. La plupart des filles. La plupart. C'est parce que tout le monde connaît une femme à barbe dans son quartier, je pense. Au moins une. Ou au centre d'achat. Ou aux rivières. Sur le banc en avant du truc de câble glacé. C'est comme vraiment pas appétissant. Ouais. Mauvais souvenir. Ouais, vraiment. Donc, tu disais? Je disais que c'est ça. Donc, c'est la dernière journée où ce qu'on peut ce soir, en fait, là, quand t'arrives chez vous, tu peux te raser. C'est demain le rasoton à la chasse galerie. Ouais, c'est ça, exactement. Mais si vous voulez faire une bonne un don, en fait, pour une bonne cause, ouais, qui est le cancer de la prostate, mm-hmm, ça se déroule ici, à la chasse galerie, au coût de 2$. Pas cher. Il te rase. C'est fantastique, hein? C'est des filles qui te rasent, là. C'est des charpières, je pense. Est-ce que c'est confirmé? Ah, non, je sais pas. C'est ça, j'entends c'est ça. Dire que... Ouais, moi non plus, en même temps, mais j'ose pas. C'est facile pas à tirer du monde en disant ça, puis après ça, tu fais un bait and switch, là, puis là, comment t'appelles ça, les gardiens de sécurité ou... Ouais. Les doormen de la chasse-galerie, excuse-moi. Voilà. Ouais, non, c'est ça, mais on sait pas. On sait pas. Mais bref. Bref. Si vous êtes étudiant aussi, vous pouvez d'ailleurs poster sur Facebook votre photo. C'est vrai. Sur la page de l'AGE UQTR. Et puis, ils vont faire un mur des célébrités de moustaches. Oui. De moustachus. Et vous pouvez gagner aussi un cabaret de bière à la chasse. Ouais, de 10 bières, je pense. C'est ça. Pour la soirée de Movember Fu Manchu. Là. Qui doit être mercredi. Ça doit être ce soir. Ça doit être... oui, c'est ça. On est mercredi. Réveille-toi, François-Olivier. On est tous mêlés dans les jours cette semaine. Ah, je sais pas pourquoi, tout à fait. Donc voilà, c'est le rasoton, c'est demain. Et puis, si vous voulez aussi, tant qu'à aller poster vos photos sur la page de l'AGE, c'est bien sûr, il faut ouais, ouais, sur la page de l'AGE, vous pouvez aussi aller sur la page Assemblage Requis et partager ça avec nous. Et ouais, faites vos dons à l'équipe de C'est Fou, hein, parce que C'est Fou a sa propre équipe pour le Movember. Et on essaie de ramasser de l'argent. À date, Kiwan, moi, est-ce que t'as fait ton... Fais-le, ça va créer un effet d'entraînement. Hey, mais c'est quoi? Quoi? J'ai plus de cœur de creuser. Ah ben! Non, c'est pas vrai, OK. J'essaie de me trouver une excuse. Tu faisais comme des centres d'achat. J'ai pas d'argent sur j'ai moi. J'ai pas d'argent. Ou tu sais, il y en a qui t'achètent avec les cartes de crédit. Là. Ouais. Ce qui est facile, tu dis, je l'ai déjà. Pac, c'est fini. Ouais, hey, c'est vrai. C'est Québec Loisirs, je suis déjà abonné. Je suis fidèle à vous autres depuis 10 ans. Ah ouais? Ouais. Vous m'avez eu. Hey, ils m'ont tué eux autres, sérieux. Hey, moi aussi. Hey, Colin, moi aussi, ouais. Moi aussi. C'est quoi? Et il me disait me donner des livres gratuits. Ouais, ouais, ouais. Et bref, j'ai reçu ce que j'avais commandé. Uh-huh, uh-huh. Mais ce que j'avais pas commandé, c'était la facture. Et puis, c'est quoi? J'ai appelé, j'ai renvoyé les livres, puis ils ont arrêté de m'acheter. Ah, quand même. Et j'ai dit, wow, ça marche pas, là. Vous m'aviez dit que c'était gratuit. Non, ça. Moi, j'ai déménagé 3-4 fois, ils ont fini par m'oublier. Un jour, je vais avoir des nouvelles d'eux. Ouais, ouais. Ouais. Watch Bank, comme Maison Columbia dans le temps. Oui. Je sais pas, est-ce que ça existe encore? Je crois que oui. Une scène par CD, ça. Un cent. Mais ça existe encore? Je crois, mais je suis pas sûr. Attends, je tape ça dans Google, Maison Columbia. Tu sais qu'on a commencé cette conversation-là en sachant pas du tout où on s'en allait, puis on parle de Maison Columbia. Ouais, ouais, ma date, ça sort pas fort fort. Ah ben... Fuck Maison Columbia. OK, c'est pas ça. Non, c'est... Voilà, donc pour faire vos dons à Movember via la page de C'est Fou, hein, c'est mobro.co/C'est Fou, mobro.co, mobro, là, comme les frères de moustache, .co, comme .com, mais sans le M, hein. / C'est Fou. Notre équipe s'appelle Les Foustaches. Si jamais vous avez envie de juste chercher sur Movember, vous allez trouver ça, c'est facile. Et le lien est sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Là, vous avez toutes les informations. Vous ne pouvez pas dire que je vous ai pas donné. T'sais. Ça, c'est vrai. Hein? Ça, bon. Alors, retour en musique à entendre du Jane's Addiction. Nouvelle entrée du palmarès anglophone, c'est Underground pour 89.1 FM. Et plus tard, là, très bientôt, Jasmine Raymond de Rainville. Reflected nothing but in the underground. Plus 44. Plus 44. Ça donne 44. Ouais. Plus 44 avec la pièce When Your Heart Stops Beating. Stops Beating. Stops Beating. Stops Beating. Beat it. Ah. Michael bon. Jackson. Non. Pas de Michael Jackson le matin. T'aimes ça, Michael Jackson? Mais. Non? Pas aussi. T'as jamais accroché? Non, mais tu sais, ça me dérange pas non plus. Ok. Ça me dérange pas d'écouter ça. C'est bien. C'est correct. Faut de temps en temps. François, la semaine prochaine, il y a la journée carrière en enseignement qui s'en vient. Ouais. C'est vrai. Hein? Veux-tu nous en parler un petit peu plus? Ça se déroule le 7 décembre prochain. Ouais. En fait, ici, à QTR, à l'Atrium Paul-Émile Bourgeois. Le 7 décembre, ça se donne à être mercredi prochain. Oui, exactement. De 11h à 16h. Et évidemment, cette activité est gratuite et s'adresse à toute personne diplômée ou en cours d'études. Donc, si vous n'avez pas fini votre bac, hein, ben vous pouvez y aller quand même. Évidemment, on souhaite que les personnes amènent leur curriculum vitae, leur sourire, leur bonne humeur, et puis, en fait, bien habillé. L'idée, en fait, c'est de se présenter aux acteurs importants, que ce soit au niveau de la région ou ailleurs au Québec, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs régions et qui sont représentées. Voilà, en fait, pour se trouver un emploi. Ben oui, il faut se créer des contacts, c'est quoi. Ouais, exactement. Et tu te rappelles, on avait reçu Madame Stéphanie. Son nom de famille m'échappe. C'est pas une Caroline, non? Caroline. François. On dirait que ça m'échappe. Oui. Mais bref, c'est ça. Sympathique jeune femme. Oui, tout à fait. Et puis, elle était venue nous dire que faut pas nécessairement être étudiant au bac en enseignement, mais bien psychoéducation, tout ce qui est psycho aussi est en très forte demande dans les commissions scolaires. Donc. Voilà. C'était Marie-Ève Perron. Marie-Ève Perron. Hey, on n'était pas dedans avant. Caroline, Stéphanie, Marie-Ève. Tous des noms très standards. Très pas original. Mais quand même. Ouais. Voilà. Ma copine s'appelle Marie-Ève. Ah, salut à elle. C'est pas original, mais salut quand même. Salut Marie-Ève. Salut Marie-Ève. Bon. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Donc, merci François pour cette information. Bien sûr. Tout à l'heure, on va recevoir Jasmine Raymond-Rainville. On va parler de pléonasme. Donc, on va utiliser des synonymes. On va monter en haut. On va descendre en bas. Parler de petit nain, moi aussi. Mais ça, j'y en parlerai tantôt. Je suis sûr que ça se dit parce que différentes grandeurs. De... Non, mais on se dit la vérité, c'est juste un fait. Parle pas contre. Décroche, Mathieu, arrête de vivre dans le passé. C'est là ce qu'un peu sinon, c'est by your hand. Parce que ça sent ta main pas mal bas, père. Non, c'est juste un fait, c'est pas... Un fin. Tu veux-tu dire que les nains sont pas fins? Ils sont tous fins. Bon, c'est ça. Bon. Dans quoi je me suis embarqué avec ça? Ben, c'est pour ça va mal finir. Of my face reflected in the windscreen pane, throwing insults and calling names, filthy SMSs that you send through the day, by sundown become tame. So I set it in motion again. The fate's a cruel mistress girl, the prettiest in the world. She dresses loosely in a bathrobe with her hair up in curls, cause we were kissing for hours with hands in trousers. She could not contain herself, suggest we go back to her house. Here it comes, this is the truck. She vomits down my rental tux. I'm not sure if it's love anymore, but I've been thinking of you fondly for sure. Remember what your heart is for. Is fine because the dew will temper your fall. You'll sing me lullabies in form of your catcalls. Du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Until the meaning has become an imitation of itself, an impression of an original, defeats a fucking purpose. I don't know where this is going, but it's looking more and more like the same place that we started. Oh good God, holy shit, joke's on us, not on them. Just pretending to be astronauts, police officers and firemen. Oh good God, holy shit, joke's on us, not on them. Just pretending to be astronauts, police officers and firemen. And everybody's watching the lead singer in the band. The guitar's exploding to a drum beat that's drowning. It's pretty fucking boring, isn't it? And of all the things we'd ask, of all the ways we'd like for it to be, the just drunken conversation song, lyric song at the top of our lungs so desperately. Like I believe in a power that is often by the people. I believe in an art that cannot be compromised. I believe that all will endure and all will overcome. Against Me avec la pièce Holy Shit. Holy Shit. Holy Shit. Et ça, selon ce que François a dit, c'est une très bonne chanson. Oh, c'est une chanson que je peux écouter en boucle. Mais on va l'écouter. Je la connaissais pas. Ah non? Je la connaissais pas. Non plus. Surprenant. Hey, tu commenteras pas comme ça. Ah, ça part bien ce matin. Hey. Hey, Yann. Hey. Hey. Ah ouais, Myriam. C'est ça, ce gars-là. Ok, on s'en va. On fait la paix. Ouais. On fait la paix. Hey, hey. Non. Il est plate. Mais il est vraiment plate. Il fait la même affaire avec moi. Je suis son co-animateur depuis 2 ans. Il me faisait. Il pas se mettre dans les cheveux comme au 100 watts, toi, là. Comme au 100 watts. Non, mais là, j'étais sincère. Mais, sérieux, faut pas que t'attendes trop, là. Laisse faire. Hey, eux autres, c'est pas le prochain. Hein? Hein? La semaine prochaine, on va ouais, OK, peut-être. Okay? Ils ont pas l'air de s'aimer. Peut-être, je trouve. En même temps, elle s'est lavée ce matin. Donc, hey! Félicitations. Hey, il va trop loin. Bon, c'est pas grave. Okay. Je regarderai plus. C'est pas grave. On va marquer dans ta chronique. C'est la chronique linguistique de Jasmine. Attention, intro et ban, s'il vous plaît. Oui.

ça va comme ça. Mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi, je me lève et toi, tu meurs. Me laisse de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien, chérie, prends donc la terre, car tu sais que plus rien. Pierre Lepirant et la pièce Adieu. Hein, quand j'ai attention, c'est attention, on vient. Tu devrais flasher de lumière, tu sais. Ah, ça doit être ça, mais j'ai pas accès. J'ai pas les bras assez longs, hein? Non. On parle des géants, il y a aussi une échelle go, go, de gradation go, des géants. Gadget, t'es pas gadget. Wow! Le gigantisme, c'est ce qu'on appelle. Non, c'est des grosses têtes, ça, le gigantisme. Ah ouais, vrai? Ah oui, juste des grosses têtes. Mais je sais pas si c'est proportionnel. Mais souvent, c'est comme des têtes qui sont plus grosses, là. Mais je sais pas si ça va avec le reste, mais souvent, c'est la tête. Si j'avais pas été dans ton équipe, là, j'aurais dit François en souffre, mais. Mais tu l'as pas dit. Non, non, et c'est pas le cas non plus. Sortez pas en onde. Gigantisme. Ouais. D'autres parties du corps, en tout cas, bref. Donc, c'est la première. Ouais, il faut en parler. Ouais, un peu. Vous savez ce qu'on dit sur Mathieu Plante? On dit plein de choses. Comme un cheval. Qu'est-ce qu'on dit sur Mathieu Plante? Comme un cheval. Grand pied, comme un cheval. Grand pied. Non, pas tes pieds. Non, mais vous savez ce qu'il dit sur les hommes à grand pied. Ah! Non. Grand pied. Je vais prendre une gorgée de café. Sur les grandes mains. Donc, fin de la première heure d'Assemblage Requis, on vient avec la chronique de Myriam Fugère, sa chronique aléatoire. Ouais, ça, j'ai hâte. Parce qu'elle est dans ton équipe. Hein. Alors, on sait pas de quoi elle parle encore. Hey, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'elle sera pas hot, ma chronique? Moi, parce que moi, c'est la chronique de Jasmine que je trouve fun. On va faire vraiment une guerre entre les deux équipes, c'est à peu près. Hein. Aïe, aïe. Arrêtez. Il va falloir qu'on se force. Ça pourrait être plate, hein? Ouais. Bon, hey, j'ai envie d'un infocampus, moi, soudainement, comme ça. Ben, go toi. Oh, c'est beau! Quelle chimie d'équipe! Wow, ils sont tellement connectés! Ouais. On peut s'en faire une, nous autres aussi, une affaire de même, parler en même temps? Je pense pas, non. Vous autres, faut que vous fassiez un 1, 2, 3, go, fait que ça marche pas, c'est pas une chimie, ça. Ouais, ils vont le faire avec leur doigt. Info campus. On est en train de chanter Barbies en même temps, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. C'était beau, notre Barbie, c'était en même temps. OK, OK. Barbies, grill. Quel endroit, quel festin, toute une ambiance. Ce qui est temps aussi. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. C'est ça. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. De retour à Assemblage Requis, ce mercredi 30 novembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Hein? Et moi, François Guy. Et je baisse le volume de ma voix parce qu'apparemment, c'était fort. Fort. Qu'on a fait un saut, hein? Ouais. Hein? Tu sais, j'étais le début de chaque heure où je suis dans l'entrain. Après ça, ça fait comme... Ouais. Pouet. Ça. Bon, donc, cette deuxième heure qui débute avec la chronique de Myriam. Hein? En force, ça, oui. En force. Chronique aléatoire. Ça fait rire Jasmine tellement qu'elle va s'étouffer avec son café. Elle fait pas ça, là. Ou sinon, on sort du studio. Ouais, bon, vraiment content. Non. Hein? Ah oui, donc, voilà. Chronique, attention, ça commence. Il faut attendre encore un petit peu. Eh oui, okay. Et bonne ton intro. Ton intro est vraiment bonne. OK. Mais moi, il n'y a personne qui chante ni qui fait des instruments. On peut y en faire une. On dirait que je suis un peu jalouse de celle de Jasmine. OK. Qu'est-ce qu'on n'a pas d'instrument, par contre? Ouais, non, c'est ça. J'ai failli les amener pour faire une blague, mais je me suis dit que ça allait mal virer, c'est sûr. J'avais un accessoire, puis je l'ai oublié. C'était quoi? Ben, c'est un de mes sujets. Fait que je, tu sais, okay, vu que c'est aléatoire, fait que là, vous ne le savez pas encore. Je suis sûr, je sais quoi. Donc, est-ce qu'on l'a fait plus tard dans la chronique? Est-ce qu'on l'a fait maintenant? Est-ce que quelqu'un veut faire de la capella? Est-ce que quelqu'un connaît faire des instruments? Il y a un. Eh, mais on devrait appeler notre ami Jérémy pour qu'il fasse son intro. Ça pourrait être pas pire, mais. Ou sinon, en fait, là, ça prendrait des choralistes. Ah, en général, moi, j'en connais pas. Bon, on peut y aller, tu peux l'envoyer. C'est la chronique aléatoire de Myriam. En latin. El chronicum. J'ai écouté quand même le singulier chronicum, ça va? Ça dépend. Chronicum. Hey! La chronique cette semaine. Salut. C'est une chronique aléatoire, évidemment, comme d'habitude. C'est n'importe quoi. Et puis là, non, wow. Ben, aléatoire, ça veut dire n'importe quoi, n'est-ce pas, Jasmine? Semi. Non, non, non. Aléatoire. Au hasard. Mon petit Robert. Au hasard. J'ai mis mon Robert, je l'ai pas mis. Ouh, j'ai une répartie de feu. Ouh. Sérieux, c'est assez impressionnant. Bon, fait que. Oui, donc, ma chronique, c'est comme un début de plusieurs chroniques sur la même thématique. OK. Là, vous allez comprendre rapidement quand je vous dirai que c'est ce qui est en vogue pour les cadeaux de Noël cette année. Oh! Ah! Jingle bell, jingle bell! Là, moi, dans toute ma quétainerie, ben là, en tout cas, moi, j'aime ça Noël. Il y en a qui trouvent ça quétaine, mais moi, j'adore ça. Donc, j'ai décidé de faire une espèce de suite de capsules de chroniques de Noël. Jusqu'à la dernière semaine. Jusqu'à la dernière semaine. Parfait. C'est quand, la dernière semaine, t'as calculé? Là? Pas trop, là. C'est bon. Mais c'est pas grave. C'est là, dans longtemps. Il y en aura. Il y en a un bout, là. Eh ouais, mais il y a les palmarès de films, il y a tout, il y a tout, wow! C'est malade. C'est excitant. On est déjà en décembre, c'est pas... On est à, le dernier mois de novembre, ça compte comme étant dans le mois de décembre, je pense, pas mal, ouais. On est en novembre, c'est le dernier mois de novembre, mais ben, pas le premier, par exemple, le premier mois de novembre. Tu chuchotes la voix, tu te Il y a personne qui entend les derniers mots de ta phrase, c'est ça, ben c'est super la fin. Donc, en fait, il faut faire attention, là, ça se peut que ce soit dispendieux, ça peut être un peu moins cher, ça peut être Il y en a pour plus, tous les besoins. Hein. Drôle, ouais, ben c'est ça. Donc, premièrement, on peut difficilement passer, une année, en fait, sans avoir comme cadeau des innovations technologiques. C'est sûr. Des trucs comme ça. Bon, là, c'est un petit peu moins innovation parce que c'est sorti, en fait, il y a un an en Europe, puis à peu près un petit peu moins d'un an ici. C'est une Kinect. OK. Là, c'est parce qu'on dirait que cette année... Tu sais, c'est comme le premier... Parce que c'est sorti en janvier, mais ça, l'année passée. Non, c'est sorti avant ça. Ah, c'est sûr? C'est quoi? Oui, ça, c'est ça va le mouvement sur la Xbox que tu as. Ah, OK. Moi, je suis vraiment pas high-tech, là. Ah oui, ben c'est ça. En fait, ben c'est comme le jeu qui va avec la Xbox où tu es toi-même la télécommande. C'est le périphérique. Il y a plusieurs jeux de merde, mais qui vont avec ce périphérique-là sur cette console-là. Ah. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Ouais, sauf que moi, je pense, ben, en tout cas, je pense que cette année, ça va être vraiment l'essor où les jeunes ou les gens vont avoir ça en cadeau. C'est ça, donc les jeux vont venir avec. Ouais, ben c'est ça. Peut-être qu'il y aura plus de jeux, parce que là, à part le jeu de danse, moi, l'année passée, j'ai essayé aussi le jeu. On est tanné de danser, comme là. Comme des parcours, là. Tu sais, puis tu peux sûrement faire des exercices aussi, mais là, tu montes, tu descends. En tout cas, moi, je trouve ça le fun. Là. Est-ce qu'il y a un jeu de Le Mur, genre avec Benoît Gagnon? Ben, ça ressemble à ça. Ben pas de face, parce que t'es comme dans un. Il wagon, est temps pour là. Vous d'affronter le mur. Ils sont tous pas super intelligents là-dedans. Mais tu sais, les versions comme asiatiques, là, mettons. Vous trouvez pas que ça a commencé de même? Les commentaires racistes, là. Non, mais c'est vous perdez des points, là. Attendez, je me reprends. Non, mais dans ces versions-là, peu importe de quelle nationalité ils sont, j'aurais pu y aller et j'aurais été tout aussi. Il y en a une version québécoise. Mais c'est souvent. Non, mais dans les versions qu'on regardait sur YouTube, là, avant, ça arrive à la télé ici, là. Souvent, ils sont comme. Moi. Souvent, ils sont comme. Ils sont comme semi-bons, là. Regarde ça, va pas gagner le mur. Ils sont comme. Ils sont pas super bons, tu sais. En tout cas. Mais c'est une émission de variété. Tu sais, en Asie, c'est comme plus un segment dans une émission où le monde. Des jeux comme ça. J'en ai d'autres, mais j'en peux pas. Une demi-heure de ça, j'en veux pas. Mais, tu sais, l'autre émission vraiment le fun, là, Wipeout, là, hey, ça, c'est le fun. Ça, c'est quelque chose. Mm-hmm. Moi, j'adore ça. Surtout les commentaires amusants aussi, là. Ouais, surtout. Pas la version du Québec, c'est moins drôle que la vraie version. C'était quoi le sujet de ta chronique déjà? Oui, fait que c'est ça. Donc, tu sais, je sais pas si vous avez écouté Occupation Double, là. Waouh! C'est bien ce que je croyais. Mais, tu sais, ils ont fait une publicité avec. La Kinect, dans le fond, là. En fait, c'était plutôt où on joue à tel jeu de la Kinect avec Black Eyed Peas. Ouh, Black Eyed Peas Experience, hein, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Fait que là, il y avait des concours avec ça. Oui, c'est ça. Le jeu. Ah, tu l'as écouté, mon coquin. Donc, voilà, il y a des publicités déjà qui sont faites avec ça. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui disent non. Moi, cette année, c'est pas ce que je veux. Moi, j'aimerais ça avoir une Wii à place. Une fait Wii? Que, Mathieu, si tu veux. Oui, mais achète pas une Wii là. Là, ils sont un modèle l'année prochaine. Non. Ah, là, mais c'est là que j'en veux une. Ben, achète-la pas cher, là, parce que ça vaut pas la peine. Ah ouais, tu penses? Ouais, pour vrai. Ah, ben, ceux qui pensent acheter une Wii à la maison, qui veulent acheter un nouveau modèle qui est à l'horizontale, là, moi, j'irais plus sur le modèle ancien à la verticale, parce que tu peux jouer les jeux de GameCube avec, et t'as plein de choses de plus, t'as plus de tout. Hein, puis en plus, tu peux la mettre debout. Le modèle plate, là, c'est un modèle fin de modèle, genre acheter ça parce que c'est notre dernier coup de cash, tu sais. Ah ouais, ben non, là, moi j'en veux une debout. Debout là. Parfait. Moi je voulais la noire, là, tu sais. Oui, avec Mario Kart. Je voulais mâcher la mallette rose. Ouais. Elle fait le même bruit que la manette blanche, probablement. Ouais. C'est un beau bruit, par contre. Ouais. Mais elle a pas le même style. C'est comme ça. Bon, ensuite de ça, il y a les classiques objets. Je trouve ça tellement yes. Les classiques objets exerciceurs qui viennent avec les. Pas le, celui que t'as l'air d'être en train de faire celle-là, là, que tu boing, boing, boing, avec tes mains devant toi comme ça. Juste devant. Okay. Quoi ça? Donc, les... on mime, là, puis ça paraît pas du tout, mais tu fais quoi, là? Moi, je. Bon. Ok, ben en fait, tu sais, les objets exerciceurs, choisissez lequel, là, le Ab Revolutionizer, Ab King Pro. Ouais, c'est le Ab Scissor. Non, non, mais tu sais, c'est le Ab, ouais. Je le mets en dessous du lit. Ab, il me servira plus l'année prochaine. Donc, voilà. Mais ça marche bien, par exemple. Ab, finalement, ça marche pas. C'est ça que j'allais dire. Non, non, ça fonctionne bien. Ah ouais, t'en as utilisé. Ah ouais, montre-nous tes abdos. Regardez pas mes abdos. Non, non, non, pas vrai, non. Donc, en fait, c'est ça, c'est des cadeaux qui sont coûteux. Ils vont bien avec les résolutions de la nouvelle année. Donc, après deux semaines, c'est fini, puis tu les ranges. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux le commander à la télé, tu fais le premier paiement pour la personne, puis tu dis les trois autres paiements sont à toi. Oui, c'est ça. Ça, ouais. Ça, c'est vraiment droit. Ouais. Moi, j'ai déjà fait un enfant qui ressemble. Non, c'était non. C'était quoi? C'est pas ça. On veut savoir. Un décodeur. Tu sais, un décodeur télé, numérique. Ouais. Ben, je l'ai commandé, là. Tu l'as commandé, mais tu t'as donné la facture. Mes parents, ils écoutent pas. Non, ça leur coûte 400 savent. Non, non, non, ils savent. C'est en tout cas. Bref. Wow. Donc, un exemple de cadeau que vous pouvez faire à des gens que vous connaissez pas. Un décodeur. Wow. Hein? Joyeux Noël. Ça, il y a un gérol. Ah, c'était cool, j'avais ça, moi. Je sais. C'est quoi, c'était cool. C'était fait en contreplaqué ses côtés. C'était une affaire pour regarder Super Écran puis la famille. Ah, mais non. Moi, j'avais. Arrête, j'avais 8 ans, j'écoutais pas Super Écran. J'écoutais. Canal Famille. C'est ça. Voilà. Hein? Donc, deux cadeaux, pas un gérol. Ouais, bon, en fait, là, c'est un petit cadeau, un cadeau un peu plus sérieux. OK, sérieux, pas bas de gamme. Un cadeau, non, c'est vraiment pas bas de gamme. Okay. En fait, c'est un cadeau que vous faites à des gens que vous connaissez pas, mais qui vont vraiment savoir l'apprécier. Tu sais, des fois, ouais. Tu fais un cadeau à quelqu'un, un ami, puis il fait « Ah, cool, merci. » Ah, des chandelles, cool. Tu sais, cache ta joie. Ouais, ouais. On en reparlera. Ouais. Puis, en fait, c'est sur le site Internet du Carrefour International, qui est cintl.org. Cintl. En fait, c'est possible d'envoyer Cintl. Cintel, c'est possible d'envoyer des sous en fait pour différentes causes dans les pays dans le besoin comme le Niger, la Bolivie, tout ça. En fait, au Niger, on parle d'envoyer des sous pour permettre aux gens d'être capables de faire de la, tu sais, pendant les temps de sécheresse, pour être capable de s'approvisionner en eau, de pouvoir, en tout cas, donc t'envoies un petit 35$, puis ça profite à des gens dans le besoin. Fait que je trouve que c'est une bonne idée. Ok. Et puis c'est en quoi, fait, l'objet? Comment? Hein? Rien. Mais... Non, parce que je me demandais si t'avais nommé déjà le truc qui Ah oui, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est l'affaire qui... Non, mais en fait, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de cadeau. Ouais, c'est ça. Tu lui donnes un bout de papier pour lui dire, bon, mais l'argent que j'aurais voulu t'acheter un cadeau en avec... En fait, t'envoies comme... en fait, c'est comme si t'envoies cet argent-là à un organisme qui s'occupe déjà de faire ça. Puis, ben là, ça permet, dans le fond, de se financer. Là, c'est comme si t'envoyais de l'argent à Haïti, finalement. Mais c'est ça, mais au nom de quelqu'un d'autre. Non? Ouais. Pourquoi un cadeau? Parce que ça va t'envoyer une carte pour dire que j'ai fait un don. Au lieu de donner un cadeau aux poches à un de tes amis, parce que... Ça, j'ai compris ce bout-là. Bon, ben, tu sais, t'envoies un cadeau à quelqu'un... Mais t'envoies un cadeau. Ce budget-là, ben, t'envoies pas un cadeau. Tu fais une carte, tu marques, j'ai fait un don en ta... Ah, je comprends, OK. C'est au lieu de dépenser ton argent inutilement pour faire un cadeau poche à quelqu'un. OK, je pensais que c'était au lieu de... Tu sais, dans le fond, tu calcules dans ton budget un cadeau de plus. Mettons, peut-être que tu mets un peu moins d'argent dans d'autres cadeaux. Mais là, tu sais, t'envoies ça, là. OK, parce que moi, je pensais que... Je pensais exemple, que ça créerait moi, une polémique, ça m'attend. Parce que, mettons, moi, je pensais que je sais pas quoi donner à François pour Noël, fait que j'ai dit, ah, ben, t'as pas de cadeau à la place, j'ai envoyé de l'argent là-bas. Oh, non. Je pensais que c'était ça. OK, je comprends. Ça va, là. Mais si tu veux revoir quelque chose, là, un pull. Envoie à Vision Mondiale, tu vas avoir des photos, au moins. Non. Regarde, écoute-moi bien, là. Ouais. Tu vas sur le site. Ouais. Là, mettons que t'envoies 35$ au Niger. Ouais. Pas à Jasmine. Tu l'envoies au Niger. Je sais. Mais tu disais à Jasmine que tu l'as envoyé au Niger, non? Et tu n'as pas besoin de le dire à personne. Ah, OK, là. Mais pourquoi? Okay. Ben, tu peux te vanter de ça si tu veux, là. OK, mais... OK, mais c'est pas un cadeau, à la limite. C'est pas... Ben, c'est un cadeau aux gens du Niger. Ouais, OK, je comprends. Next! Okay? Ah, OK, on l'a. Hey! Donc, dans le même ordre d'idée, j'hésite tout à un faire cadeau, le... ça. J'hésite à faire le prochain, là. Parce que dans le même ordre d'idée, en fait, vous pouvez faire, au lieu de donner un cadeau, hein, à la place de donner un cadeau... Hein? Ben, vous... Tu donnes pas de cadeau. Hein? En fait, t'es pas obligé de le donner, là, tu te donnes en cadeau. Okay? Ok, on va dire ça. Oh, ouais, c'est ça. Tu te donnes en cadeau. Des faveurs, ouais. Des faveurs. Dans l'implication. Tout le monde parle en même temps, on n'entend rien de ce que vous dites. Jasmine en premier. Ah, j'ai juste pourquoi dit... Jasmine en premier? Parce qu'elle a dit quelque chose avant toi. Parce et dans son équipe. Ouais, non, parce qu'il t'a parlé de t'offrir un cadeau. Je t'ai demandé si t'avais mis ton bikini comme. Bon, c'est pas. Comme les gens demandaient. Hey, justement, Jello! C'est juste ça, c'était pas pertinent du tout. Non, en fait, c'est de vous offrir dans du bénévolat, en fait, de l'implication dans plusieurs organismes qui vont venir en aide. Arrête! Hey! Ah non, c'est super, c'est cool de faire du bénévolat. C'est ma partie humanitaire. Ben oui, non, c'est bien, c'est correct. Non, c'est bien. Donc, en fait, c'est pour venir en aide aux gens plus démunis, donc au niveau de la guignolée et des médias. Ouais. Je sais qu'il y avait des bénévoles qui étaient cherchés encore un peu pour se mettre au coin des rues. Mm-hmm. Pour ramasser des sous auprès du Noël du pauvre. Bon, c'est sûr que c'est bientôt, là, peut-être trop tard pour s'impliquer, mais pensez-y pour l'année prochaine. Il y a plusieurs causes comme ça avec Moisson Mauricie. Opération des Rouges au pire. Oui, ça peut être ça aussi. Ah, n'importe quoi. Là. C'est comme ça, drôle. Ça doit être drôle. Ouais. Moi, j'ai bluffé. On le fait-tu? Hey, Jasmine, on le fait. Okay, on va vraiment prendre. OK. Si vous avez... Ah, oh, ça, c'est hot. Ah, oh, là, ça, là. C'est malade. Hot. Si vous avez un échange de cadeaux à faire, en fait, où vous n'avez pas à dépasser un certain budget... On fait un don au Niger. Non. En fait, des fois, c'est dur. Mettons que tu as 20$ okay, comme budget pour un cadeau. Des fois, c'est dur de trouver un item à 20$. Oui. Bon. Ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est acheter plusieurs items. Donc, Jasmine dirait que c'est des articles en français. Jasmine, tu voudrais dire ça. Non, hein? J'allais juste dire, mais il y a peu, déjà hein? Pensé. Mais, hein? Continue. Hey. Bref, tu fais... Hey, tu t'annantes à chaque fois que je dis sérieux? Quoi? Elle fait... Rien. Rien. Fait que finalement, on ne sait pas. Bon, c'est un mystère. Assistez-moi, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Donc, en fait, vous mettez plein d'articles dans un espèce de panier ou un truc comme ça. Fait que là, j'ai un article à 1,99 à vous proposer. C'est l'article que je voulais apporter. Hein, gars, article. Je vais abuser d'articles au lieu de dire item. C'est bien, item. C'est bien. Donc, c'est un objet, là, c'est magique. Moi, j'adore ça. Hier, en fait, ben bon, je passe à la pharmacie. Je finis par trouver cet article-là à 1,99. C'est un masseur de tête. Okay. Savez-vous de quoi je parle? Oh, c'est ah, ouais. Le petit truc en métal, là. En broche, ouais, genre. C'est comme bizarre, là, ouais, comme hein. Sensation. Non. Mais ça fait c'est du bien, génial. Pour vrai, c'est bizarre. Ouais. Hier, c'est drôle, j'ai dit à ma mère, OK, ferme tes yeux. Là, ouais. Elle m'a pas vu arriver avec la patente, tu sais. Yeah. J'y ai fait, là, c'est drôle, elle se brossait les dents, tu sais. Elle était plus capable de se brosser les dents. Excellent timing. Elle était là. Ah, ça fait. Non, elle riait, là. Mais elle riait tellement. Elle dit, j'ai des frissons, là, j'aime pas ça. Là, mais c'est. Tu t'habitues, puis t'aimes ça pas mal. Fun. Mais c'est plus le fun, ça a l'air quand c'est quelqu'un d'autre qui te le fait. Ah, pas vrai. Parce que tu t'attends pas à la force, mettons, que la personne okay. va mettre ou tout ça. Ah. Fait que c'est ça, 1,99 dans les pharmacies. C'est full hot. En fait, c'est ça, là, vous savez ce que c'est. En fait, c'est en métal. Ben, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher que ouais, ça. Ça ressemble un peu comme à une coupole avec. Des... Ben, pas une coupole, mais une. Un demi une de melon. Ça ressemble à une tulipe. Ah, okay, ouais. Mais sinon, il y en a qui ressemblent comme genre plus à du spaghetti, là, genre. C'est juste des tiges longues. Non, mais c'est bon. Ok, Mathieu, c'est la forme. La forme de tulipe, mais c'est faite avec des branches en métal, tu comprends? Mais ça ressemble aussi à du spaghetti de métal, de... Ça a... Elle a faisait qu'elle a tellement arrêté au bon moment. C'était parfait, hein? Ouais. Je t'aime mes blagues poches pour ça. Ouais, c'est ça. Uh-huh. J'avais cru bon d'écrire frisson garanti dans mes notes. Je trouvais ça tellement drôle. Donc, numéro 6. Pour l'instant, en fait, c'est plutôt difficile de croire en fait que l'hiver est à nos portes, là. C'est... Oh, on y croit, hein? Ouais, j'y crois, moi. Ouais, je veux bien, mais tu sais, il fait pas bien beau. Ben oui, mais. En tout cas, il fait pas beau, mais il fait pas. Il neige pas. Oh, non, il y a pas de neige, spécial. Pas enchanteur. Ben, il y a déjà neigé, mais là, c'est. Il y a du passé, en tout cas, hein. Ouais. C'est. Oui, hein. Peut-être qu'il neige en ce moment quand les gens nous écoutent aussi, hein. Oh, ça serait tellement féerique au moment où je dis ça. Ben, en fait, il y a quelqu'un. C'est parce que j'ai fait une espèce d'appel à tous sur Facebook qui finalement a pas super bien marché, mais il y a quelqu'un qui m'a dit. Tu sais, ça virait à bien des affaires sauf ça, tu sais. Un peu comme les chroniques, hein, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Okay. Celle de Jasmine, peut-être, pas les miennes. Mais non. Ah, François, t'es même ça, pas là. Il y avait, en fait, quelqu'un qui m'a proposé un volant chauffant. Voilà, tu sais que t'ajoutes, là, t'sais, voilà. Fait que là, ça, c'est pratique. Des fois, t'as des grosses mitaines, ça va-tu mal? Ça, tu sais, ça glisse sur ton volant, puis là, tu fais un accident, là, finalement. Fait que t'es tout aussi bien d'avoir un volant chauffant. Wow, t'as des aventures assez incroyables. Parles-en aux bandes de trottoir. Non, c'est une farce. T'as accroché une bande de trottoir? Non, c'est une farce. Une farce? Oui, c'est pas vrai. c'est pas un fait vécu. Là, non? Vous me croyez pas, là, c'est non, mais je sais pas. On dirait que t'essaies trop de te justifier que c'est pas vrai, non? C'est comme louche. Je veux pas avoir l'air d'une personne qui sait pas conduire, là. Mais non, mais c'est vrai. T'as-tu des bains chauffés dans ton auto? Oui. Ah, ouais. Ouais, génial. Toi, t'as pas ça? Non. C'est comme pas inventé. Ensuite de ça, ben c'est ça, c'est sûr que si vous avez pas le banc, le volant chauffant, ben il au faut lieu le d'avoir volant les, chauffant grosses, les grosses mitaines là, où ça peut être un peu glissant, ben il y a les gants en cuir aussi qui sont un beau cadeau. C'est le fun. Quand la tu bonne conduis, grandeur, il faut connaître la main c'est de la personne. C'est racing un peu, là. Tu sais, tu conduis, t'as l'air de... J'allais dire des gens de Villeneuve parce que c'est un peu le seul que je connais, mais ça, c'est pas un bon exemple. Michael Schumacher. Bon, ensuite, il y a le classique parfum ou le coffret avec toutes les patentes qui vont avec. Le Gégus. Le savon, les... C'est peut-être une affaire dont tu ne te sers pas là-dedans. Au moins. T'as c'est comme, quoi? Des... Toi, non, c'est le savon. Pas. Non, mais... Oh! Hey, tantôt, on m'a dit que j'étais propre. Wow! Mais... Ça, c'est ma collègue. Hey, c'est pas grave, dans toi, ça ne me dérange pas. Mais non, mais c'est dans ces kits-là, on dirait que... Tu sais, tu reçois... T'sais, soit t'as pas de bain pour te servir la petite mousse à bain ou tu sais... Non? Ok, ok. L'affaire qui manque dans ton paquet, c'est un bain. Un bain gonflable. Hey, come on, Pierrette. S'il y avait eu un bain dans ton paquet, je penserais. J'aurais pu l'utiliser. Non, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a tout le temps un item là-dedans. Le truc pour se limer les oignons. Ah, je pensais que les ronges. Les ronges, c'est les oignons. Je pensais qu'il allait parler des ongles. C'est ça. Voilà. Hein? Bon. Ouais, ben en fait, c'est ça. Sauf que c'est important de connaître la sorte de parfum de la personne ou de oui. bien connaître ses goûts. Parce pas tous que... les parfums qui vont à toutes les personnes, mais non. Non, c'est ça. Fait que des fois, tu fais le saut parce que tu l'essayes, puis oh boy, merci pour ton acting qui allait avec mon saut. C'était fantastique. À la limite, avant de l'essayer souvent, tu le sais, là, mais. Ouais, tu sais, mettons, là, ça change, on dirait, des fois, d'une personne à l'autre. Ouais. Là, on dirait, ça change. Faut penser à son copain ou sa copine aussi, hein? Parce que, mettons, tu sais, quelqu'un achetait un parfum à lavande à ma copine, moi, je serais pas capable de supporter ça, j'aime pas ça, t'sais. Bon, ouais. Hein, quelqu'un qui dit quelque la chose lavande? Qui a du sens, là, tu sais, dans ta chronique. Là, fait que comme... toi, t'es content, mettons, que la boutique soit fermée. Oui, et le bleu lavande, là. Quand tu rentres, yes! quand tu passes en aval, ça sent beaucoup, hein. Dégalasse. Mais c'est sûr. C'est dégueulasse. Ça, puis là, ouais, rentrer dans un champ de fleurs. Ça pue pas tant que ça, là, la vente. Oh, mais c'est, ben, comme c'est chacun trop... son selon. Il y a une petite dose, peut-être, de métier. Mais t'as pas le goût de sentir ça, c'est correct. Mettons, si ça sent quelque part, mais moi, j'aurais pas le goût de sentir. Non, mais il y en a qui adorent ça, puis qui ont ça comme parfum dans leur maison, dans leur Glade plug-in. Non, mais c'est ça. Rentrer quelque part où ça sent ça, c'est déjà moins pire que toi de sentir la lavande. Oui, mais moi, la lavande, puis chose poudre pour bébé. Poudre pour bébé, non, merci. Mais la lavande, c'est très difficile. Ça pogne dans le nez, ça bat. C'est trop poudreux. Tu sais, sniffer un bébé qui sent ça, je veux pas être ça. J'aime bien ton move de sniffer. Oh ouais, elle me disait. J'ai choisi les bébés que je sniffe dans la vie, moi. Toi, je te sniffe pas. Reviens-nous, Myriam. Ouais, reviens-nous. Vas-y, ouais. Continue. Il en reste combien? Ah, il y a les cartes cadeaux aussi. Oui, ben ça, c'est le cadeau facile. Mais c'est toujours proche. Une bonne façon de s'en sortir. Quand tu connais pas trop la personne, à un moment donné, à la place d'y acheter un cossin qu'il va pas utiliser, une carte cadeau, moi, à recevoir, ça me fait plaisir parce que je veux pouvoir choisir. T'sais. C'est ça, en fait, une carte cadeau, soit d'un centre d'achat ou d'un endroit ciblé que c'est tu sais que la personne va aimer. Exact, mais prends-y pas un magasin quelconque que toi t'aimes bien en pensant que l'autre personne va aimer ça. Tu me donnes une carte cadeau Rona, je saurais pas quoi faire avec, tu sais. Pour vrai. J'achète un marteau. Oui, qu'est-ce que je fais avec le marteau? T'as sa main? Bon. Achète des bébés. Il m'insulte encore là, pendant que vous écoutez pas. Ah, je trouve pas non, c'est correct, drôle. Mais c'était pas drôle. Non, mais tant qu'à faire des cartes cadeaux, là, à la limite, pourquoi les gens font pas une liste des choses qu'ils veulent? Oui. Oh, mais ça dépend dans quel contexte. Contexte. Souvent, tu connais quand même un peu la personne, tu sais si elle aime ou non acheter des disques ou de quoi. Mais c'est justement, elle m'a dit quel disque elle veut. Oui. Tu sais, force-toi un peu. Un peu. Non, mais ça dépend parce que moi, au moment où je fais ma liste, là, souvent, tu sais, mes oncles, mes tantes là, me demandent de faire ma liste au milieu du mois de novembre. Je l'ai faite là 2 semaines. Mais ben oui, mais ce que tu mets sur ta liste, tu l'achètes pas. Non, mais ça dépend si j'ai vraiment le goût d'acheter tel disque. Tu l'achètes pas ou sinon tu mets pas sa liste puis tu vas l'acheter. Okay, okay. Moi, ma mère m'a toujours dit tu t'achètes rien avant Noël. Un peu avant Noël, t'achètes rien. Moi, je conseille aux gens, faites-vous une liste de... Si vous voulez faire une liste de cadeaux, allez sur Amazon pour faire une liste de cadeaux. C'est tellement pratique comme place. Je sais que peut-être qu'au Québec, il n'y a pas tant de gens qui utilisent Amazon, mais ça vaut la peine. Mm-hmm. Tu peux faire une liste de souhaits là-dessus. Puis les gens peuvent juste l'acheter pour toi dessus. Mm-hmm. Puis c'est shippé chez vous. C'est pas la fin. 3 jours, c'est fait. Ouais, tu ne déballes même pas. Tu n'as même pas de tapis d'emballage. Ouais. Tu peux faire. C'est un peu froid, je trouve, mais ça me j'aimerais mieux. J'aime mieux que la personne soit. Ça dépend le niveau que tu connais la personne, tu sais. Il y a des personnes à qui tu vas faire des cadeaux que tu connais pas, ben pourquoi tu fais un cadeau premièrement? Mais d'autres personnes. Mais c'est ça que je te demande depuis tantôt. Moi, je fais tout le temps des cadeaux à des gens que tu sais. Mon frère, je le connais, ma mère, je la connais, je pense. Il y a des gens dans ta famille à qui tu fais des cadeaux que tu es peut-être un petit peu moins proche d'eux autres, tu sais. Peut-être. Ah, mais il y en a, mettons, qui connaissent pas si bien que ça leur frère. Leur frère, bon. Il y en a qui s'en ennuient aussi. Oui, Manu de ma soeur. Qu'est-ce que tu vas lui donner pour Noël? Elle m'écoute pas, c'est sûr. Une poussette. Non, je dirais des films québécois parce qu'elle s'ennuie. Hein? Elle n'est pas française. Un grand 16 de poussette. Un grand 16 de poussette. Elle est rentrée dans un autre pays. Edmonton. Ok, c'est pas un autre pays. Non, c'est pas un autre pays. Mais quand même. Elle devrait y acheter Le sens de l'humour, c'est drôle. Le sens de l'humour, c'est un film québécois. Ouais. Ça, puis Starbucks, c'est drôle. Non, mais c'est ça, je vois trop de monde en même temps, 4 personnes. Hein. On réalise que personne ne comprend ce que les autres disent. Ah, pas tout, c'est super intéressant. Ben, en tout cas, moi, je détecte bien la voix de Myriam. Les autres, les écoutent pas, je porte. Apporte. Fait que là, c'est ça. Mais ensuite de ça, ben, j'ai vu ça sur un site internet. Là. Okay. C'est pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants ou des neveux, des nièces, tout ça. Moi, ce serait le genre d'affaires que j'aurais pu acheter à mon neveu, mettons. Mm-hmm. Là. Ou pas, ou si j'aurais pu. Ou pas. Pas l'acheter. Ou pas. En fait, c'est un support d'apprentissage pour le patin. Ouais, ça, c'est les. Tu sais, au lieu de. Ou non, mais le nom des affaires. Ben non, oui, mais tu sais, out la chaise, justement, c'est plus à mode. Non, en fait, on met, tu sais, vraiment là, un cadrage, là. C'est un type de cadrage rouge. Ouais, non, je sais pas. C'est rembourré. c'est gros quand même. Non, mais c'est niaiseux. Ben voyons. Ça a l'air de quoi, on dirait? On dirait absolument pas rapport à ça. Ça ressemble un peu à un but. Là. Mettons, c'est comme des tuyaux, ouais, comme petit. Un but. Il tient après, puis il est comme attaché après. Non, il est pas attaché. Il est pas séquestré après son rack. Il y a une cage autour de lui, puis un matelas à terre. Mais sérieux, c'est pas en tout. Tu fais des potes dessus. Tu pratiques ton Snapchat. Je crois. Oui. Mais c'est stupide, sérieux, tant qu'à ça, prends une chaise. Ben oui, au moins, c'est il va pouvoir s'asseoir dessus, oui, puis tu vas pouvoir limite le pousser. Puis, ou tu t'assieds dessus pendant qu'il pousse. Mais c'est ça, parce que c'est ça qui est pratique là-dedans, c'est que le rack, il n'y a pas de petit endroit où tu peux t'asseoir. Tu sais, on est quand il est fatigué, il peut s'asseoir sur sa chaise. Tu traînes ton rack. Voyons donc. Dans ton auto, ça prend une caravane. Ah, fait qu'il faut que tu achètes la caravane en cadeau. Non? Non. C'est comme le bain tantôt. Ouais, c'est ça. Pierrette, elle pense pas à tout. Pierrette, elle. Pierrette, c'est un. Ben, c'est pas. Alors, c'est un nom fictif comme ça. Ensuite, ça, c'est le fun. Maman, elle s'appelle Pierrette. Il n'y a personne qui s'appelle Pierrette, c'est fictif, comme elle a dit. Donc, les jeux de société aussi, c'est toujours un hit. Moi, en tout cas, j'aime ça. Oui, clou. J'aime ça recevoir un jeu de société. À Noël, ma mère, elle nous en achète tout le temps un nouveau. Comme quoi, mettons? C'était quoi le dernier? Le dernier, c'était Pyramide. Oh, ça doit tellement être le fun. Avec Sébastien Benoît, un petit peu Sébastien Benoît qui vient avec. Oui. Figurine. Et là, on s'en va à la pelouse. Non, ouais. Ça, c'est Patrice Lécuyer. Ouais. En tout cas. T'aimes Sébastien Benoît? Ah, moi? Ouais. Non, mais non, Pyramide, ça doit être le fun à jouer. Ouais, c'est vraiment j'aimerais le fun. Ça comme dire. Donner des. Non, il n'y a pas de mime là-dedans, là, je bouge. C'est surtout fun de jouer dans mon équipe, je te dirais. Mais sûrement. Les équipes je suis sont déjà faites. Bonne, ici, de société. Cranium aussi l'année d'avant. Ça, c'est le fun. Je rock à part de modeler. Moi, j'avais acheté le Scrabble aussi l'année passée. C'est comme plus pour mais moi. Mais tu sais, là, avec la table qui tourne. Ouais. Comment qu'elle tourne? C'était pas ça, ok. C'est quoi le bruit que tu faisais la semaine passée? Ah non, c'était un hélicoptère. Je n'ai pas l'hélicoptère. En tout cas, il y a le Twister qui est toujours un classique. Ah, c'est ça, hein? Le Cranium, comme je vous disais. En effet, hein? Justement, j'ai apporté mon bikini! Yeah! Puis mon jeu Twister! Le jeu Glee, qui est bien en vogue. Le jeu vidéo? Non. Pour chanter karaoké? Non, non, non, le jeu de table, Glee. Un jeu de table, oui, CD inclus. Tant qu'à ça. Tu sais, c'est comme le jeu d'occupation double qui est sorti, là. Non, il est bien fait, lui. Maman m'a menacé de me l'acheter. Maman. Elle t'a menacé. Oui. Écoute, c'était pas gentil, Myriam, cette année. Non, mais toi, t'écoutes ça, c'est pas une menace. Elle dit. Bon, mais là, wow, il y a des Moses de limite à vouloir le jeu de table d'occupation deux, parce qu'on sait très bien que j'irai pas en voyage, là, à la fin du jeu. Mais eux autres, ils appellent pas ça un jeu de lit à place. Bon, mon frère a voulu participer à ma chronique. Alors, il m'a donné quelques suggestions. En fait, il a dit que moi, c'est ça que j'aurais à Noël. Est-ce que tu peux l'imiter? Quel frère, là? Elle a dit... Comment? Comment t'as imité ça? Il a l'air vraiment bizarre, ton frère, devant. En fait, je ris plus que je parle dans cette chronique-là. Bon, en fait, ses suggestions... qui semblait être la liste qu'il avait fait pour mes propres cadeaux de Noël, était des oranges, du charbon, parce que je suis pas assez sage, c'est ce qu'il m'a dit. Du charbon. Il dit... du charbon, j'adore ça. Ouais. Il dit, ça n'a pas rapport d'être sage avec les parents, faut que tu sois sage ailleurs aussi. Puis il a dit que j'aurais ça dans mon bonnet, donc si jamais ça me manque. Il s'appelle comment ton frère? Marc-André, s'il écoute, on le salue. Allez! On va être assez fiers. Ici, bon, c'est pas une suggestion, c'est plus de la prévention. Les chandelles qui sentent bon pour votre mère ou le pot pourri, là. Ben, cette année, ça fait. C'est ça. Tout le monde en a une caisse dans le garde-robe. Et si tu dis, le magasin Clair de Lune fonctionnera absolument plus, là. Ben non. Ouais, ça va être fini. Surtout ça crée de l'emploi. Pour. Il y avait un... T'as-tu déjà travaillé là, toi? Il y avait comme un magasin de Noël avec des sapins. Les sapins. Planète Noël. Ouais. Planète Noël. Travaillais-tu là? Non. Il y avait plein de gens qui ont travaillé là. Planète Noël. C'est tu poche. Rentrais là, puis t'avais toutes les sortes de sapins en fibre optique. Puis on aime pas ça, les sapins en fibre optique. Les sapins blancs. L'ongle de l'autre. Planète Noël. On s'en souvient. Le père de l'autre, je veux dire. Puis, ben, en fait, parlant justement de ce magasin où on vend des chandelles et tout ça, ben, avec ça aussi, ils peuvent faire un petit, peut-être un petit bug, là. En fait, pour le deuxième item, dans mon prochain item, tu sais, il y en a deux, là. C'est un deux pour un ici. Parce que, année après année, ben, il n'y a rien qui bat le fameux réconfort de recevoir un pyjama à Noël. Hein. Ah oui? C'est le fun. Ah. Ben, des beaux. Moi, j'aime ça. Des chaque bas? Des bas. Ah ouais? Ouais, des bas. Des gros bas de lait, non, mais tu sais, comme beau blanc. Que tu sors comme. Oh. J'ai toujours les bas blancs. Non, moi, c'est blanc ou c'est rien. Moi, c'est comme des ça. Mime. Attends, bon, là, Myriam est en train de nous montrer ses bas avec la ligne rouge. Avec là. La ligne rouge. Ouais. C'est beau. Le classique. Ils sont pas blancs. Pas capable de porter ça, mais ça me pique les pieds. Non. Ah, ça pique pas pantoute. Ben, t'as juste à choisir ceux qui sont un peu plus en coton quand même. T'es fancy. Ouais. Achète-moi ça à Noël. Fait que c'est ça, un pyjama ou, tu sais, une belle doudou, là, full douce. Là. Ça, c'est le fun. Quand ben oui. La télé, c'est le fun. Ah, il y a des nouvelles pantoufles chauffantes, hein, sac magique. Hein. Ah! Mais c'est sûr. T'es mets dans le fond de cran? Ben oui! Ben voyons donc. C'est sûr. Tu peux les mettre dans le congé ben aussi. Oui. Oh, ben. Est-ce que tu vas avoir les pieds froids? T'es mets dans l'été. T'es mets l'été. Non, mais quand t'as chaud aux pieds, t'en as deux paires. Une paire qui te réchauffe les pieds. Quand t'as trop chaud, au lieu d'enlever ceux-là, t'es enlève et tu mets les autres. Ou un pied chaud, un pied froid. Pour s'en recentrer ton corps. Puis un rhume. Puis un rhume. OK. Cool. Là, celui-là, le prochain cadeau, en fait, faut s'assurer que la personne n'est pas un peu... en fait, qu'elle vous trouvera pas cheap avec ça. En fait, vous pouvez choisir votre film préféré dans votre collection. Là, mettons, parce que moi, j'ai plein de films. Puis donné. Ouais. Le petit livre noir, c'est pas le même, ça? Le petit... C'est quoi le film? C'est quoi ton film préféré? The Notebook. C'est difficile à dire. J'y pense, je reviens là-dessus. J'aime bien When Harry Met Sally. Avez-vous vu ça? Non. Sais pas, je sais ça. Qui est là-dedans déjà? Billy Crystal, Billy Crystal puis Meg Ryan. C'est pas pour ça. Poppy. C'est bon ça. Sinon, en tout cas. Donc? Le petit carnet noir. Oui, ben c'est ça. Donc, c'est ça. Vous pouvez donner votre film préféré que vous avez dans votre collection. C'est le fun parce que tu ressembles vraiment à Nicolas qui... Ah, c'est fou, donc, hein? Tu recycles tes affaires sans ouais, ben, cadeau là, irréutilisable. Ouais, mais ça peut avoir l'air cheap, mais il me semble que c'est le fun. Parce qu'il y a tout le véhicule du film. Tu sais, moi, mettons, un film, je l'écoute. T'as échappé de la moutarde dessus. Je sais tout par cœur, mes films presque. Ce que tu peux faire, c'est non seulement prendre ton film préféré, mais c'est prendre un des films que tu sais qu'il y a une édition spéciale qui vient de sortir, tu donnes le vrai, puis tu t'achètes l'édition spéciale. Ah, mais aussi, non, mais c'est le fun quand même. Il y en a qui se font des échanges de linge des fois de même dans la vie, là. Mais ouais. Pas ça, vous? Non, mais des gars, sûrement un peu. Pas vraiment, non. Non, mais des filles, mettons, c'est des échanges de linge des fois. Tu sais, on a tout. Beaucoup trop de linge dans la vie, là. On a vraiment beaucoup trop de vêtements, fait qu'on fait du ménage, j'en on fait des jamais échanges. Assez, là, je veux non? pas être plate, là, mais je n'en fais ai jamais assez. Ton walk-in n'est pas encore assez rempli. Parle-moi-en de mon walk-in. T'as un walk-in? Oui. Ah ouais. Il y a plus de linge dans ma chambre que dans mon walk-in. OK. En fait, sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter votre film préféré neuf puis l'offrir neuf. Tu sais, c'est le fun de donner quelque chose que t'apprécies particulièrement, tu sais, pour le faire découvrir à une autre personne. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un beau geste, c'est fun. Mais souvent, si c'est surtout une personne... Surtout quand t'aimes beaucoup les films. Ouais, mais si c'est une personne proche de toi, en fait, et pas nécessairement, mais habituellement, il va déjà avoir vu. Il va l'avoir vu, ouais. Il va pouvoir le réécouter plein de fois, puis il va penser à toi, tu m'attends. Mm-hmm. Ouais. Puis s'il déteste le film... Ah, ben là, ça, c'est plate, là, par exemple. Ouais, ça, c'est plate. Mais tu le reprends, puis tu dis, tant pis, il va rester chez nous. Tant pis pour toi. Donc, suggestion de Jasmine, d'un cadeau non utilisé. En fait, c'est une serviette non utilisée, puis que tu vois pas l'utilité vraiment de l'utilité. En fait, c'est une serviette qui est conçue exclusivement pour les cheveux. Non. Ça a comme une espèce de forme de goutte d'eau. Non, non. Ça s'attache, c'est ça? Tu te mets ça comme ça à la tête par en arrière, hein? Puis là, tu fais une twist, là, avec tes cheveux dedans, puis là, tu viens comme le rattacher par en arrière avec un élastique. Oh, moi, c'est un élastique. Moi, c'est un bouton que j'ai tout le temps. Tu rentres le bout. Ouais, est-ce que ça sèche plus vite parce que t'as les cheveux entortillés dans la serviette? Mais non, ouais, mais au pire, t'entortilles dans une vraie serviette, là. Parce que, tu sais, la vraie serviette, ça finit tout à paraître, tu sais, vraiment beaucoup trop gros, là. Ça tombe. Moi, je fais trois tours dans la mienne, tu sais, puis elle fait. C'est ça. Tu penses, ça tombe. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi vous faites ça. Ouais. Moi, je le fais pas, j'ai plus de cheveux de toute façon, vraiment. Mais tu sais, moi, je l'ai jamais fait. Parce que ça sèche. Comme moi, j'en vois, là, mais bon. Parce que ça sèche, tu croches, puis tu veux pas ça. Fait que moi, je pense jamais. Mais je remercie quand même ma tante de m'avoir donné ça l'an passé. C'était une bonne idée, puis je l'ai juste comme. Je vais sûrement l'utiliser un jour. C'est une perruque, ton enfant, hein? Oui. Non, c'est pas vrai. Justement. Non. Oh! Non, mais c'est parce que moi, à longueur de cheveux que j'ai, ben, je l'entortille dans la serviette, puis ils vont comme toute l'humidité. Mais tu sais qu'il existe des plus petites serviettes que les grosses serviettes qu'on s'essuie avec? Je sais, là, mais ça m'écœure-tu de salir deux Mais il existe la serviette exprès pour les cheveux, c'est encore mieux. Oh. Hmm. Super, et hein? Puis, c'est en fait, comme je me suis écrit comme note, c'est à mi-chemin entre le bonnet de douche et la serviette. Et puis, parce que ça aussi, tu peux l'utiliser, mettons, si tu veux pas mouiller tes petits cheveux, là, voilà, oui. Tu mets ça. Hein? Tu parles à moi avec mes petits cheveux. Avec tes petits cheveux. T'as pas oublié tes petits cheveux. Tes cheveux de fillette. Tes petits cheveux. Pas le bébé. Je savais que ça le ferait rire. Fillette. Bon. Donc, c'est disponible en plusieurs coloris. Tout ici, pastel, les uns que les autres. Ah, la mienne est beige. Non, ouais. Pour être moi, il est blanc, tu sais. C'est juste qu'il y a comme d'autres. Ok, t'en as un aussi. Ouais, ma mère en a un. Okay. En fait, pas moi. S'ils volent. Ben, je l'ai utilisé une fois, mais moi, mes cheveux sont trop longs, là. Ça, OK, donc, ils sont trop longs pour ça. Ouais, mes cheveux sont comme trop longs, ils dépassent des espèces de cônes que ça fait. OK, ça va bien. T'sais, quand je me penche, il y a aussi, ça, c'est pratique, puis ça a l'air que c'est bien à la mode, là. Ça revient à la mode. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, mon frère en avait des bleus royales, un peu lettres, qui sentaient bizarre, là. Mais là, ça revient à la mode avec des coloris différents et... des types de poils différents. Tu mets ton léopard. Ça passe vraiment n'importe quoi. On se demande tellement c'est quoi. Des pantoufles. Hein, un indice, première lettre. Oh, pantoufles, c'est bon, mais c'est pas ça. Non, c'est des cache-oreilles. Ah. Hey, à ce temps, ils en font avec des écouteurs intégrés. Incroyable. C'est cool, hein? Ben oui. Fait que ça, c'est un beau cadeau. Là, il neige vraiment beaucoup, puis là, ça mouille, puis il fonctionne plus. C'est pas, il y a un choc, tu meurs. Ouais, t'es échappé dans la neige, là, tu sais, tu... Hein? Ou dans peinture, comme ouais, j'ai fait, moi. Ouais, échappe dans neige. Je veux pas dire que tout le monde... C'est pas Jasmine Proof. C'est pas à l'épreuve des jasmines. C'est pas jasmine proof. Donc, en tout cas, quel que soit le cadeau que vous offrez ou le cadeau que vous allez recevoir, c'est important de toujours penser que c'est l'intention qui compte. Hein? Ah! Ah! Ah! C'est beau, hein? C'est beau! Là, je voulais finir sur quelque chose de fun. T'as presque réussi. Ouais. Fait que c'est ça. Puis Noël, c'est l'amour, hein? Puis c'est comme le moment du partage. Eh hey, merci, Noël, Myriam. Ouais, c'est l'amour. Hey, wow, la chorale à matin, là. J'y ai pensé. J'ai pas osé le chanter. On est toujours pas prêt pour la chanson thème de la chronique à Myriam, non? Non. T'es tellement motivé. On vous fera un petit duo, là, ou pas. Ou pas. On verra. Ou pas. On pourrait faire un genre de oumbap, mais... Oumbap, pop, pop, Myriam, pour la chronique à Myriam. Non? Non. Faites pas pire. Elle bande sur l'intro. Je vais mettre ton intro. Ouais, mais j'aimerais ça que quelqu'un dise de quoi tu. Ben là, attends un peu, non. Enregistre ça. De quoi? Ça se mettra ça. Oh. OK, on l'essaie. Non, c'est pas celle-là. Attends un peu. On l'essaie. Chronique culturelle, Myriam. De quoi? De quoi? Ben de quoi? De quoi elle parle? C'est aléatoire. On sait pas. Wow. Ça va vraiment être nul. C'est vraiment mauvais. Nul à chier. Tu me mettras celle à Jasmine avant. Ok, non, c'est la mienne. Pas dans ton équipe. Hein. Ouais. C'est tout pour la chronique aléatoire de Myriam. Semaine prochaine, mercredi à 8h. Ça fait 40 minutes qu'on est avec ta chronique. C'est incroyable. On va en musique écouter Annie Hall de Mauve. Et après ça, ben, on revient avec la chronique C'est un fait. Ah, oh, cool. On peut-tu rester? Ben oui, ben oui. Yes! Ça va durer une demi-heure encore. Tout se peut. Campagne. Elle m'a dit la dida, nous avons.